Bonjour. Donc pour l'énergie, bien sûr, depuis le 5 décembre, on est dedans. Là, toute la semaine, il y a eu des actions quotidiennes de fête. On se réunit encore cet après-midi en secrétariat pour organiser la semaine prochaine. Comme ça, mais à la louche, hein, pour savoir, les copains de Dieppe ont coupé au champ, là, parce qu'avec le CICE, ils font pas que des bonnes choses, donc le champ de Dieppe a été coupé. Nous, perso, on a fait une distribution de tracts sur un bâtiment tertiaire où il y a une population uniquement, enfin, très générale de cadres, qui se sentent un petit peu loin de tout ça, intouchables, etc. Donc on allait distribuer les tracts ce matin pour leur rappeler qu'il y avait la manif à 10h30 pour Clémenceau. Et on leur a dit, bah, de 7h30 à 9h, on a fait ça. De 9 à 10, on est à votre disposition pour échanger, pour s'informer, pour parler, pour discuter. N'hésitez pas à descendre, on reste une heure avec vous et on pourra parler aussi bien des problématiques métiers que de la retraite, que de tout ça. On n'a vu absolument personne. Donc du coup, on a été un peu déçus, on est reparti, on a coupé aussi. Ça s'est fait. Sinon, le secteur d'énergie aurait une proposition à faire valider, donc j'irai lundi matin au bureau. Donc on a pensé, en fait on était hier encore, l'énergie était en région parisienne sur un stockage gaz, parce que les stockages gaz sont tous pris depuis lundi soir, ainsi que les plateformes logistiques Serval. Les plateformes logistiques Serval, c'est tous les dépôts qui servent à alimenter les agences EDF en matériel pour les opérations quotidiennes. Donc sur 11, il y en a déjà 5 de bloqués depuis lundi soir aussi. Non, mardi soir, pardon. Donc ça avance. Donc je vais faire une proposition, enfin je la fais à l'UD. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour l'énergie? Bon, on lâche rien, ça c'est sûr. On s'organise. Et ouais, les taux de grévistes sont pas mal du tout quand même, mine de rien. On a beau entendre par là, à droite, à gauche, ça s'essouffle, etc. Sur des journées comme ça, derrière, au cul du camion de l'énergie ce matin, il y avait une centaine d'agents. C'est quand même, c'est relativement pas mal. Voilà. Donc voilà, bah, je vous dis bon courage à tous et puis à très bientôt, certainement, dès demain.